J'ai perdu mes illusions. Comme ça, un matin, oubliant de rire, oubliant de vivre, oubliant de pardonner, j'ai effacé trop d'espoir pour essayer de faire du bien à mon cœur, à ma vie, à mes pensées. Mais j'ai jamais voulu ça, je ne comprends toujours pas pourquoi. J'ai beau me le répéter sans cesse, je peux pas oublier tes caresses. J'ai beau me cacher, j'ai beau pleurer, j'ai beau crier, taper du pied, toi tu m'oublies, toi tu souris, t'effaces notre vie de tes pensées. J'ai beau sourire, j'ai beau courir, j'ai beau rire, oublier d'écrire, toi tu reviens à la charge pour mieux partir sans rien dire. Retrouver le goût de la vie, sans rien, sans repère, sans même une âme sur qui compter. Regarder dans le vide, je l'ai fait, je l'ai même imaginé, je l'ai effleuré du bout des pieds. Mais je crois plus en rien, je souris bêtement. J'ai beau me cacher, j'ai beau pleurer, j'ai beau crier, taper du pied, toi tu m'oublies, toi tu souris, t'effaces notre vie de tes pensées. J'ai beau sourire, j'ai beau courir, j'ai beau rire, oublier d'écrire, toi tu reviens à la charge pour mieux partir sans rien dire. C'est décidé maintenant, je reprends le fil de la vie. Je peux sourire sans faux semblant, je peux partir sans toi, ami. Comment ai-je fait? Je ne sais pas t'éloigner de mes sales pensées. Je préfère oublier tout ça, où tout sentiment disparaît. J'imagine bien un monde sans toi, j'imagine plus qu'une vie sans nous. J'imagine que tu n'es plus là, t'as disparu ma vie. Un point c'est tout, un point c'est tout, un point c'est tout, un point c'est tout, un point c'est tout. J'ai beau me cacher, j'ai beau pleurer, j'ai beau crier, taper du pied, toi tu m'oublies, toi tu souris, t'effaces notre vie de tes pensées. J'ai beau sourire, j'ai beau courir, j'ai beau rire, oublier d'écrire, toi tu reviens à la charge pour mieux partir sans rien dire. J'ai beau me cacher, j'ai beau pleurer, j'ai beau crier, taper du pied, toi tu m'oublies, toi tu souris, t'effaces notre vie de tes pensées. J'ai beau sourire, j'ai beau courir, j'ai beau rire, oublier d'écrire, toi tu reviens à la charge pour mieux partir sans rien dire.